Yesai. Sista Mora, Ethan Valdez pour toi et toi. Hey, message pour tous les frères et sœurs. Parce qu'il faut préserver la terre, la vie, le fruit de ses entrailles. Hey, pour tous les bébés, pour tous les youths. Écoute ça. Préserve le fruit de tes entrailles. Célibataire, je te lis, protège le fruit de tes entrailles. Protège le fruit de tes entrailles. Que ce soit ton âme, que ce soit ton bébé. Tous les jours, tu dois remercier Sa Majesté de te permettre d'exister et de voir grandir cet amour en toi. Préserve le fruit de tes entrailles. Protège le fruit de tes entrailles. Des émotions, des sentiments, de l'amour à cet instant. L'amour à cet instant. Car oui, cet instant est vivant. Cette leçon, tu pourras l'enseigner à tes bébés. Remercie dès maintenant déjà pour l'amour qui t'a donné. Pour les bébés, pour ta destinée. Que tu sois homme et que tu sois désemparé. Préserve le fruit de tes entrailles. Malgré les embûches chemées sur ta route, tu apprendras à les passer. Car Jah sera toujours là à tes côtés. Jah sera là à tes côtés. Protège cet amour tous les jours. C'est le plus important, oui, sur ton parcours. À chaque détour, à chaque carrefour, Jah sera ton secours. Protège le fruit de tes entrailles. Protège le fruit de tes entrailles. Protège le fruit de tes entrailles.